Audiomatic. Le projet chilien Sistema Beat Andino ouvrait la transmission 077 avec sa musique qui mélange les styles électroniques du dub et du tropical bass. La pièce A Sufre paraît sur le premier album de Sistema Beat Andino intitulé Aconcagua. Cette composition comporte des échantillons d'un discours de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, qui avait comparé à l'époque le président George W. Bush au diable. D'où le titre « A souffrir », signifiant « souffre » en français, qui fait d'ailleurs référence à ce commentaire lancé par Chavez à propos de Bush lors d'un sommet international à l'effet que ça sentait le souffre puisque le diable venait d'entrer dans la pièce. Bienvenue à une autre émission d'Audiomatic en compagnie des électronistes qui vous présenteront pour la prochaine heure des artistes qui œuvrent au sein de la scène de la musique électronique. Si vous êtes intéressé à réentendre nos anciennes transmissions, nous vous invitons à consulter notre profil facebook.com/audiomaticcfou. où vous trouverez tous les liens inhérents à l'écoute de nos émissions passées en balado-diffusion. Pour la prochaine séquence, nous avons décidé de puiser dans un passé pas si lointain en vous présentant la musique du duo norvégien Lindstrom and Christabel. Leave it. I'll be in. Audiomatique, il s'agissait du projet Banjo or Freak Out mené par Alessio Natalizia qui nous offrait sa composition Mr. No, ici remixée par Radiant Dragon, et on amorçait le tout avec le duo norvégien Lindstrom and Christabel, formé de Hans Peter Lindstrom et Christabel Sandu, qui a aussi produit musicalement sous le pseudonyme Solale. De Lindstrom and Christabel, nous entendions la chanson Baby Can't Stop, remixée par Aeroplane. La version originale de cette chanson se trouve sur l'album Real Life Is No Cool, paru en 2010. Les rythmes de Buenos Aires arrivent aux oreilles des auditeurs d'Audiomatique grâce à la musique du projet Chancha via Circuito. Voici la composition Tarochi. pour l'écouter. 89.1. Avant l'interruption publicitaire, l'artiste Alvaro Ernesto, avec son projet Tribulin Sound, nous proposait une musique qui prend racine dans la culture et les rythmes afro-péruviens. De son album Aquí Siempre Bailamos, on vient tout juste d'écouter la pièce Sarita, et cette séquence de deux pièces s'ouvrait sur la musique de Chancha Via Circuito, de qui nous écoutions la pièce Taroche, se trouvant sur son troisième album intitulé Aman Sara, paru en 2014. Nous enchaînons cette fois avec le groupe californien Local Natives à Audiomatic. You're around. Le groupe norvégien Casio Kids venait clore ce bloc musical avec la chanson Finn Bichen de leur deuxième album Top Stemning Pa Local Bar. Tout juste avant, vous avez peut-être reconnu Arcade Fire avec la pièce Sprawl 2 Mountains Beyond Mountains, remixée par Tommy Sunshine sous le nom de Quahalud Edit. Et nous débutions avec le groupe californien Local Natives et la pièce Shape Shifter, remixée par Super Humanoids. Nous terminerons cette transmission 077 d'Audiomatic avec une collaboration entre deux artistes new-yorkais, soit Delia Gonzalez et Gavin Rossum. Ceux-ci ont produit, en 2005, une œuvre restée dans l'obscurité qui s'intitule « The Days of Mars ». De celle-ci, nous allons écouter la pièce 13 Moons. Les électronistes vous remercient d'avoir syntonisé le 89.1 FM sur la bande FM, justement, pour entendre nos suggestions musicales. Nous sommes toujours curieux de savoir ce que vous pensez de l'émission ou de connaître ce qui vous allume musicalement. Alors n'hésitez surtout pas à nous écrire à audiomatic@commercial.gmail.com. Et surtout, continuez de répandre la bonne nouvelle, à savoir que toutes nos anciennes transmissions sont disponibles à l'écoute en balado-diffusion sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Nous espérons que vous serez des nôtres mercredi prochain à compter de 17h pour la transmission 078. Voici donc la pièce 13 Moons, issue de la collaboration entre Delia Gonzalez et Gavin Rossum. Bonne écoute! Et bonne semaine.